Ces tribus n'ont pas encore leur part. Elles attendent sans avancer. Alors tu appelles Josué à parler, à secouer l'immobilité. Pourquoi restez-vous sans agir pour prendre ce que Dieu vous donne? Car la promesse ne devient pas réelle quand l'homme s'endort et s'étonne. L'attente passive retarde l'accomplissement. Ne nous laisse pas dormir devant la promesse. Réveille nos pas, ravive nos voix. Car ce que tu as donné par ta parole attend notre foi. Ne nous laisse pas rester immobiles devant ce que tu veux bâtir. Donne-nous le courage d'entrer là où ta promesse veut nous conduire. Les hommes parcourent le pays, ils décrivent, ils mesurent les villes. Et tu montres que la foi c'est aussi passer par l'étude et les détails tranquilles. Puis les lots sont tirés devant l'arche, car tu demeures le seul juge. Et même l'organisation humaine se place sous ta main qui dirige. Ne nous laisse pas dormir devant la promesse. Réveille nos pas, ravive nos voix. Car ce que tu as donné par ta parole attend notre foi. Ne nous laisse pas rester immobiles devant ce que tu veux bâtir. Donne-nous le courage d'entrer là où ta promesse veut nous conduire.